Savine Bayou maturité. C'est qu'on s'a rencontré à ce bon jour. Il dit que c'est jeune Jagala. Pour faut mieux qu'on ça pas passer. Voyou et où sont pour Mathieu. Pour faut mieux qu'on ça pas passer. N'a pas qu'elle nous pas laisser. Facile ou un garçon faut être dans automobile pour être une femme. Mais femme pas besoin qui est ping piqué pour être un garçon. Ah oui, ça, c'est déclic. Oui. Et ça fait monsieur. Ouais, moi-même voilà. Moi-même voilà, pour payer tes choses là. Nous sommes tonton, regardez non. Je vous femme David devant vous dit vous aimez moi. Faut tout ça souffler pour cacher dans. Oui. Alors monsieur m'a pas de conseil. T'es une madame, non pas jamais c'est pas l'habitude. Parce que nous ne pas l'habitude de nous faire. Pour qu'un jour, par exemple, je sais quoi qui va nous battre. Mais à chaque fois que je suis dans la gueule, tout le monde m'a dit, mais dans Babouali, pour la battre quoi. Pour nous faire l'habitude là tout. Mais des 20 jours, je suis malade. Je ne vais pas faire ni avant, ni bac. Maladie a vécu conforme dans le budget. Pour la gueule, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Bah je vais le quoi, c'est lui qui a privé quand même, c'est lui même qui a privé. C'est lui qui a privé. Oh! On a traversé. T'as voisé, là le bat-cock. Non, bat-cock, bat-cock, bat-cock. L'aime tout ça. Souhait qu'on calie, bon gagné, l'aime tout ça. Souhait qu'on tout. Y'a une goutte, y'a une petite tête, hein? C'est pas grave ça, souhait ça. Comment? Y'a une green bat, y'a une chaussette. Mais moi-même. C'est type origine à Omgen. Parce qu'on s'est plastique lié. Et puis lui, il avec ça, ma poule quand même. Quoi? Nous sommes tonton. Poule à ma route sa dévolution. Et là, il a fait tout le bagage ça. Vous connaissez ma route sa dévolution. Il a fait tout le bagage ça. Mais bon Dieu, bon, je vous joue bien. Ma toujours capable de boule avec nous. Et puis, nous boule, boule, boule, boule. Et puis, voisin, il m'a dit, voisin. C'est pratique avant théorie. Et puis, oh, voisine de bien, vous allez essayer. Oh, oh, l'autre est sec, il sorti mouillé. Et puis, l'autre est pas gâté, c'est pas gâté, c'est pas gâté, c'est pas gâté, c'est pas pourtant, les sons bagaillots, c'est tec, tec, tec, tec. Et puis, voisine a tombé relé. Voisine, oui, voisine, pour te faire coup, tu vas être un gars, voisine, oui, voisine, pour te faire coup. met sou ka mwen, mwen di yon chale nan mwen menm. Gade nan wè mwen menm poupe, son ton ton pop bay biya menm, ton ton tel chos wè la. Mwen son ton ton gade nan ki tre tre tre tre tre tre, ti po kaw. Gade nan, ou menm di la kap gade nan, defon nou monte la koule avin mwen menm, pou ki menm ou.